Les allées saluent, le bise luxe afflue, mix une nuit de plus, putain la lune abuse, éclaire les plus petites sans su. Mais bon, transaction, bidon, séance, photo, maton, faute masquée, con, fer de sang, gardien du clan, sa branche colore, sort de la pénombre des catacombes, sans kata, mais bon, remonte ton taille, bas jusqu'au cou du con. Ouais. On kiffe détruire les clients qui accoutent, crient la nuit. Les ombres se glissent, demande à Slim, prends garde au précipice. Chut, chut, juste une âme de plus, perdu, enculé, encaissé, cassé mon CD. Color va t'en faire braver, sois bravé. J'porte des toffes, tu bloques 23 de la palme, mais balle mien, j'suis. Chut, dure la merde, rue qui pue l'embrouille. Pousse à chaque recoin, le truand en douce couche. Chez nous les jeunes poussent, ceux que fondent avec une meute de loup. Les esprits brillent, les regards brillent, tous ces frites. Voilà pourquoi les anges deviennent des gargouilles. Hey, yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque recoin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Hey, yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque recoin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. La bête recherche la piste du fugitif, le noir laisse entendre que plus rien ne va dans le temple or. Ne touche pas au mien, sinon tu sors les bras en l'air. Je protège mes frères, la mort ne prévient pas, ne pose pas de questions. Sinon c'est tout dans ta gueule, et quand y'a faux pas y'a gros bras, demande à Kulka. Derrière l'union se corse, quelle que soit la guerre, les nerfs perdent face au courage. Et là je suis le gardien de mes frères. Et que faire, cisailler mes ennemis au lieu de faire du bien. Les liens sacrés, voilà ce qui reste, mère soucieuse de l'avenir du dernier fait chier. Elles n'ont pas mérité ça, elles ont trop sué. Hey yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque coin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Hey yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque coin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Les mots blessent, les bagarres se succèdent, le diable berce les rues qui ne sont plus ce qu'elles étaient. Les anges trompent l'ami, ma confiance au mien, pas au chien. J'ai dit, demande à Jacques Addy qui a dit que l'art était pour le paradis. Tous des ouf, pas grand chose m'attire sur terre, alors je taffe. Et pour des liasses, l'œil ouvert, je protège mes frères. Chèque pour eux, c'est du pareil aux mêmes galères. Ouais. La tempête se déchaîne, je mène mes mercenaires au bout du millénaire. D'un goût amer, tu sais que dans la rue, pas tant d'arrêt. L'écran d'arrêt perce beaucoup de frères sans arrêt. Sur mes gardes pour moi et pour ma famille, y'a quoi de neuf? Le but, tu me prends l'allure d'un champ de bataille. Le style que leur fenêtre, beaucoup de retaille. Il se passe quoi pour le 6-9? Hey yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque recoin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Hey yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque recoin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Hey yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque recoin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Hey yo, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis la mort à chaque recoin de rue, use de ruse. Oui, je sais, si je le fais pas pour lui, personne ne fera pour moi. Je protège son dos comme il protège le mien. Comme il protège le mien. Je protège son dos et comme il protège le mien. On reste les gardiens de nos frères, section roule de poupette. DFA, Meuse, Sida, Dez, Mamad, un R19, Chamad. Y'a pas de problème, on reste les gardiens de nos frères. Et mec, la poudrette, faut en v'là la colère. Ça se passe comme ça, gardiens de nos frères, peace.